pourquoi il pleut. Ce n'est pas de l'eau pour éteindre un feu. Le son des armes envahit ton ciel. Au son des armes, un bruit de semelle. Oh mon Dieu, tu deviens si vieux. Tu ne vois plus rien au travers des cieux. Les hommes qui se brûlent à petit feu. En ton nom, Dieu, en ton nom doux. Oh mon Dieu, je n'ai rien à craindre. Plus rien à perdre, plus rien à joindre. L'eau, le sang que devient amour. Le bleu, l'air qui devient amour. Oh mon Dieu, tu deviens hideux. Car tous tes fidèles vont se faire la belle. Pour se révolter, pour se déchirer. En ton nom, mon Dieu, en ton nom peureux. Oh mon Dieu, ouvre donc les yeux. Car le mal dévore le fruit de ton corps. Mon Dieu, nul à chier. Tu t'es bien gouffré. Oh mon Dieu, miséricordieux. On s'est laissé faire avec tes grands airs. Mais tes cloches sonnent creux. Tu pues le vieux. Oh mon Dieu, je n'ai rien à craindre. Plus rien à perdre, plus rien à joindre. L'eau rouge, le sang que devient le monde. Le bleu, le vert qui devient immonde. Oh mon Dieu, je viens hideux. Car tous tes fidèles vont se faire la belle. Pour se révolter, se déchirer. En ton nom, mon Dieu, en ton nom peureux. Oh mon Dieu, bien prétentieux. Baisse un peu les yeux. Oh mon Dieu, miséricordieux, baisse un peu les yeux.